Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie américaine sympathique. Tout semble parfait dans la vie de Richard. Son épouse, belle et intelligente, est une compagne idéale et une mère dévouée pour leurs deux enfants. Il a une situation professionnelle enviable et possède une superbe maison dans une banlieue agréable de New York. Tout va bien. Sauf que Richard s'ennuie à mourir et ne peut s'empêcher de fantasmer sur toutes les jolies femmes qu'il croise. Je suis marié depuis bientôt 7 ans. Ma femme est belle, intelligente, c'est une mère exemplaire. On mène une vie de rêve. Seulement, il y a une ombre au tableau. Je m'emmerde à en crever. J'aime bien Cécile, je me sens bien dedans et... Richard ! Hey, Nikki, Brenda. Enchantée. Bonjour. Nikki est une vieille amie. Revoir Nikki, ça m'a fait gamberger. Quelle vie j'aurais si je me retrouvais célibataire ? J'ai Nikki sur la une. On pourrait aller déjeuner. Par l'auteur-réalisateur Chris Rock. Avant de te marier, t'as des appels du genre. J'ai très envie de te suivre. Et une fois que t'es marié, t'as des coups de fil du genre. J'ai très envie que tu rentres à la maison pour voir notre nouveau tapis. Vous avez beau essayer de détourner le regard. La tentation est toujours là, juste sous vos yeux. J'aime ma femme. J'aime ma femme. J'aime ma femme. J'aime... Je crois que j'aime ma femme. Je crois que j'aime ma femme. Une comédie de et avec Chris Rock. Un DVD Fox Pathé Europa.